C'est quoi cet animal? Oui, il est Il porte le coup. Mais non, tantôt. Et alors? T'as changé d'auto? T'as changé d'auto? T'as vendu ta BMW? Oh! Attends, chien, comme il est méchant, il est bouffé, hein? Il va me mordre. Et les oiseaux du coq. Très bien. Qu'est-ce que ça, la pièce? Bah non, il en est. Donne-lui la pâte. Pique-le dans des pépins. Il est fâché, hein? Il est fâché, ouais. Tu crois? Bah ouais, t'as vu comme t'as vu ce qu'il t'a fait. Il est fâché? C'est très bien. Tu fais le beau. Qu'est-ce que tu fais? Il va revenir, vous inquiétez pas, il va y faire que ça. Mais en fait, il change d'une voiture à l'autre, comme ça. Farouche. Je comprends pas. Il est pas farouche. Il est pas peur quoi. Non. Quoi?